Le matin de ce jour-là, Reine, jugeant de son crime par la grosseur de la somme reçue, essaya d'avertir sa maîtresse, à qui, naturellement, elle s'intéressait plus qu'à des inconnus. Mais comme on l'avait menacée de la rendre folle et de l'enfermer à la salpêtrière, en cas d'indiscrétion, elle fut timide. « Madame est si heureuse maintenant, » dit-elle. « Pourquoi s'embarrasserait-elle encore de ce Brésilien? Je m'en défie, moi. »« C'est vrai, reine, » répondit-elle. « Aussi vais-je le congédier. »« Ah, madame, j'en suis bien aise. Il m'effraie, ce Moricaud. Je le crois capable de tout. »« Et tu sottes. C'est pour lui qu'il faut craindre quand il est avec moi. » En ce moment, Lisbeth entra. « Ma chère gentille chevrette, il y a longtemps que nous ne nous sommes vus, » dit Valérie. « Je suis bien malheureuse, crevelle ma somme, et je n'ai plus de Venceslas, nous sommes brouillés. »« Je le sais, » reprit Lisbeth, « et c'est à cause de lui que je viens. Victorin l'a rencontré sur les 5 heures du soir, au moment où il entrait dans un restaurant à 25 sous, rue de Valois. Il l'a pris à jeun par les sentiments et l'a ramené rue Louis-le-Grand. Hortense, en revoyant Venceslas, maigre, souffrant, mal vêtu, lui a tendu la main. Voilà comme tu me trahis. » Monsieur Henri, madame, vint dire le valet de chambre à l'oreille de Valérie. Laisse-moi, Lisbeth, je t'expliquerai tout cela demain. Mais, comme on va le voir, Valérie ne devait bientôt plus pouvoir rien expliquer à personne.